Michael Nibigira. Erika Doga sur la mise en onde. Excusez-nous pour les deux minutes de retard. La radio Isanganiro que vous écoutez, mais depuis Bujumbura. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Donc voici d'abord les grands titres. Début ce mardi de la campagne de vaccination dite mère-enfant dans tout le pays. À Bubanza, les adeptes de Zebi qui boycottent habituellement cette activité sont appelés à répondre massivement à cette campagne officiellement lancée en province de Changhuzo, vous l'entendrez. Au sommaire également, l'organisation ONLCT Où est ton frère qui plaide pour la révision de la loi sur l'immigration. C'est après que plus de 100 femmes aient été appréhendées en zone urbaine de Buterere où elles s'apprêteraient à être trafiquées dans les pays arabes. Grogne des parents du nord de la capitale Bujumbura dont les enfants volent de l'argent pour aller jouer au casino et boycotter l'école. Vous en aurez les détails dans la chronique santé comme tous les mardis. Aujourd'hui, on va vous parler de la précocité sexuelle. Quel est l'âge idéal pour faire les rapports sexuels? Les détails, c'est tout à l'heure. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. L'association ONLCT Où est ton frère qui lutte contre la traite des personnes apprécie positivement l'action menée par la police et qui a mis la main ce lundi en zone urbaine de Buterere sur une centaine de filles et femmes qui s'apprêteraient à partir dans les pays arabes. Le président de cette association qui milite pour les droits humains appelle le gouvernement à démanteler tous les réseaux qui facilitent la traite des êtres humains et à réaménager la loi régissant l'immigration. Suivez, Prime Mbarubu Keye, président de l'ONLCT, où est ton frère? Le gouvernement devrait justement mettre en place toutes les mesures d'accompagnement liées à la mise en place et à la mise en application de la loi numéro 1 par le 28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes au Burundi et prévention et protection des victimes de la traite des personnes au Burundi, parce que la loi regorge en son sein tout un arsenal juridique complet qui milite en faveur de la, que ce soit de la prévention, que ce soit de la protection des victimes, mais aussi de la répression des auteurs de la traite des personnes. Et donc, tout y est, il ne reste que justement la mise en application, surtout, et comment dire, mettre en place tout un dispositif nécessaire pour que justement la politique nationale de la mobilité de la main-d'œuvre soit effective au Burundi. Le gouvernement devrait justement légaliser la migration de la main-d'œuvre au Burundi et la mobilité, parce que le droit d'aller et de venir, c'est un droit constitutionnel qui est donc consacré par tous les textes juridiques, que ce soit tant nationaux qu'internationaux. On se demande pourquoi, même si la situation se présente ainsi, avant que justement tout soit légalisé, on ne comprend pas pourquoi les administratifs locaux justement ne soient pas l'œil et l'oreille du gouvernement pour pouvoir desserrer ou, comment dirais-je, donner l'information en taille utile de l'existence de ces maisons closes qui regorgent, qui hébergeraient des femmes ou des enfants qui s'attendent à partir dans ces pays du Golfe arabe. Prime Mbarubu Keye, il est président de l'organisation ONLCT Où est ton frère? Et je vous l'avais dit en titre, c'est ce mardi qu'a débuté la campagne mère-enfant qui consiste à vacciner les enfants et leurs mères, les habitants de la France et Bubanza en général, et les adeptes de certaines religions, souvent réfractaires à la vaccination, sont appelés à répondre massivement à cette campagne santé mère-enfant qui commence donc ce mardi dans tous les centres de santé. Et autre site identifié, cet appel est lancé par le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza, qui déplore le fait que lors de la dernière campagne, certains adeptes de Zebi en commune Musigati ont boycotté la campagne de vaccination. Docteur Joël Bigrimana a fait savoir que 10 000 femmes enceintes et plus de 100 000 enfants sont attendus pour cette campagne qui va durer 4 jours. Correspondance de Spes Caritas Kabanyana. Au cours de la campagne Santé Mère-Enfant qui a commencé ce mardi dans cette province de Bubanza, il est attendu 10 575 femmes enceintes qui vont recevoir de l'albendazole et du savon pour l'hygiène. Les enfants de 1 à 5 ans qui se comptent à 75 120 vont recevoir de la vitamine A ainsi que le rattrapage en vaccin, surtout contre la rougeole selon les responsables sanitaires. Aussi, 173 014 enfants âgés de 1 à 14 ans vont recevoir de l'albendazole et du praziquantel. À côté des médicaments, des activités de sensibilisation contre le COVID-19 sont également prévues envers toute la population selon le médecin directeur de la province sanitaire de Bouanza. Les responsables administratifs et sanitaires demandent à toute la population concernée par cette campagne de répondre massivement afin de prévenir les maladies et avoir une bonne santé. Docteur Joël Wigirimana, médecin directeur de la province sanitaire de Bouanza, déplore le fait que les adeptes de certaines religions n'acceptent pas de vaccin. Ça a été le cas sur la colline Massare de la commune Musigati, où les adeptes des Ebi ont fermé leur maison et ont quitté leur ménage pour retourner à la fin de la campagne, selon les témoins sur place à Massare. Les autorités administratives et sanitaires déplorent ce genre de comportement et rappellent à la population que le vaccin est pour leur bonne santé. Spes Caritas Kabanyana, Bouanza, Radio Isa. Merci, Spes Caritas Kabanyana. Et pour rappel, cette campagne Mère Enfant va officiellement être lancée, a été officiellement lancée en province Changhua. Après une courte pause, parlons médias. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, page média, comme je vous le disais, et tout en vous rappelant que vous pouvez suivre notre édition via le www.isanganiro.org. Le Conseil national de la communication apprécie positivement le travail fait par les professionnels des médias pour le trimestre précédent. Dans une réunion avec les responsables des médias, le président de cet organe régulateur a déploré les fautes professionnelles qui s'observent encore. Nestor Bangomokunzi trouve que les responsables des médias devraient organiser des formations en journalisme. Je vous propose de l'écouter. Il est en effet regrettable que certaines fautes professionnelles restent endémiques et récurrentes chez certains médias ou chez les mêmes journalistes. Malgré cela, le Conseil national de la communication constate que, de façon générale, des efforts sont fournis pour travailler dans le respect de la loi et des principes professionnels. Les différents secteurs de la vie des communautés sont touchés, l'information est diversifiée chez la plupart des médias et partant, le public est assez informé de ce qui se passe autour de lui et à travers le monde. Toutefois, des défaillances se sont observées en ce qui concerne surtout l'équilibre de l'information. La couverture géographique du pays laisse largement à désirer, car le gros des productions médiatiques demeure focalisé sur la capitale économique au détriment des autres provinces et des communautés rurales. La politique semble largement dominée, tandis qu'il y a des secteurs qui sont pratiquement ignorés par les médias. Le CNC n'est certes pas sans savoir que les médias font face à une insuffisance de moyens financiers pour couvrir tout le territoire et toucher tous les secteurs de la vie de la population, mais des stratégies volontaristes, notamment la mutualisation des moyens humains, pourraient aider. Quoi qu'il en soit, le CNC encourage les journalistes à travailler professionnellement en respectant la loi et les principes journalistiques de base. Cela requiert un savoir-faire qui n'est toujours pas disponible chez tous les professionnels du métier, hélas. Nestor Wanghomukunzi, le patron du Conseil national de la communication, étant qu'on parle de la communication, manque criant de cartes de recharge de la société de téléphonie mobile et connecte dans la ville de Lumonge depuis près d'un mois. Les distributeurs de ces cartes de recharge à Lumonge indiquent que les prix pratiqués par Econet sur ces cartes ont été revus à la hausse, ce qui entraîne leur non-revente. Le chef d'agence Econet à Lumonge dit que la question est en train d'être vidée. Jean-Pierre Misako. Sur les points de vente des distributeurs de deuxième ordre des cartes de recharge Econet dans la ville de Lumonge, il n'y a aucune carte de recharge Econet ou il y en a très peu, à tel point que quelques minutes suffisent pour leur distribution. Les détaillants de ces cartes rencontrés dans la ville de Lumonge disent que cette situation vient de durer près d'un mois et ils passent régulièrement pour voir s'il n'y aurait pas une quelconque amélioration de la situation. Les distributeurs de deuxième ordre interrogés disent que ces cartes de recharge sont raréfiées chez les distributeurs s'approvisionnant directement chez Econet suite à des prix élevés pratiqués par Econet sur ces cartes de recharge. Sur le terrain, les anciens revendeurs des cartes de recharge Econet recourent actuellement au transfert des unités qui rapportent mieux, expliquant qu'un transfert de 10 000 francs burundais rapporte jusqu'à 800 francs burundais de profit au moment où la vente d'une seule carte de recharge de 10 000 francs burundais ne rapporte plus que 300 francs burundais. Les clients d'Econet disent qu'ils perdent les jours d'utilisation qui ne sont pas ajoutés dans ces conditions et voudraient la renormalisation de la situation. Au niveau de l'agence d'Econet à Rumonge, l'on informe que ces cartes de recharge sont en quantité suffisante, mais qu'il y a eu un petit désaccord intervenu suite à la volonté des distributeurs d'avoir un profit élevé et le problème vient d'être vidé selon cette source. Au niveau des distributeurs de premier ordre interrogés, le règlement de ce problème ne leur est pas encore rapporté. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Quittons Rumonge, revenons à Bujumbura où des parents habitant différents quartiers du nord de Bujumbura se plaignent que leurs enfants volent de l'argent pour aller jouer au casino. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters indiquent que cette situation poussait les élèves à ne plus suivre convenablement les études. Et il arrive que ces enfants rêvent de casino la nuit, témoignent leurs parents. Ils demandent aux organes habilités de trouver solution à ce problème. Ces enfants qui jouent au casino, quant à eux, expliquent que l'argent utilisé leur est offert par leurs parents. Reportage signé Jean-Marie Vianenge Nakumana, lu par Evariste Nzikobanyanga. Un enfant qui te vole de l'argent. Et l'argent là, il était pour les ratios. Ça, c'est grave. Les deux parents rencontrés à l'endroit communément appelé Gare du Nord, au nord de la ville de Bujumbura, dans la commune urbaine de Nahangwa, ils précisent que le jeu de casino pousse l'enfant à voler de l'argent pour aller jouer à ce jeu. Le jeu, c'est bien pour les propriétaires de ces jeux-là. Pour nous, les parents, on a des enfants. Si quelque chose entre dans le pays comme ça, tout le monde se précipite. Pour moi, en tant que parent, je ne vois pas que ça, c'est normal pour mes enfants. Ça peut être bien pour les gens qui utilisent ça, mais pour nous, les parents, c'est très, très, très grave pour les enfants. Il y a certains enfants qui volent leurs parents pour aller jouer les casinos, là. Et en plus, tu sais, avec les conjonctures que nous vivons, c'est pas tout le monde qui a de l'argent. Alors si un enfant qui te vole de l'argent, et l'argent là, il était pour les ratios, ça c'est grave. Il précise que cette situation pousse les élèves à ne plus suivre convenablement les cours. Même concernant les études pour les enfants aussi, pour aller à l'école, c'est très grave. Ils ne se concentrent pas, ils pensent tout le temps au casino. C'est très grave en tout cas. L'un des élèves qui joue au casino fait savoir que l'argent utilisé dans ce jeu leur est offert par leurs parents. Quant à Bidi Ndikumgenayo, l'un des guichetiers du casino, précise que les enfants de moins de 20 ans ne sont pas autorisés à jouer au casino. Le jeu cause plus souvent la mésentente entre les conjoints, comme l'indique ce parent. C'est pas seulement pour les enfants, même les adultes, il y a certains hommes, ils prennent de l'argent, des ratios, ils partent pour aller jouer les casinos. Pour cela, les enfants là et les femmes meurent de faim là-bas à la maison. Ils provoquent les mésententes avec sa femme, même bagarrer. Ce dernier demande aux instances habilitées de trouver solution à ce problème. L'appel vraiment, c'est toujours le gouvernement, parce que c'est qui est nos parents ici. Je souhaite qu'ils regardent ce problème-là pour regarder comment mettre toutes choses à la ligne là-bas. Parce que les casinos, là, ça nous incommode beaucoup en tout cas. Face à cette situation, l'administrateur de la commune urbaine de Nahangwa a promis de s'exprimer dans nos éditions de la semaine prochaine. Evariste Nzikobanyanga, à près de 800 millions de dollars américains, tel est le portefeuille de la Banque mondiale au Burundi sur 4 ans et demi, appuyant 12 projets nationaux dont 3 régionaux. Quant aux dons provenant de la Banque mondiale dans le budget de l'État 2020-2021, l'enveloppe est de plus de 128 milliards de francs burundais. Mireille Kanyangé nous donne plus de détails 2 mois après la revue annuelle de son portefeuille accordé au Burundi. Dans le budget général de l'État, exercice 2020-2021, un budget de plus de 1422 milliards de francs burundais de ressources et des dépenses de plus de 1576 milliards de francs burundais, les dons attendus sont de près de 330 milliards de francs burundais. Ces dons proviennent des pays, de la Commission européenne, de la BAD, de la Banque mondiale et autres. Pour la Banque mondiale, les dons attendus sont de 128 milliards et 279 millions de francs burundais et les projets financés dans ce budget, c'est notamment Le renforcement des capacités institutionnelles, le projet d'urgence contre les violences basées sur le genre, le projet de développement local pour l'emploi, le projet d'appui au secteur de la santé, les projets d'appui à l'amélioration de la productivité et amélioration du secteur café, la restauration et la résilience du paysage au Burundi, la construction des barrages hydroélectriques de Djidji et Mouremre ainsi que le Sumo Falls. Lors de la revue annuelle du portefeuille du groupe de la Banque mondiale au Burundi, c'était le 2 octobre de cette année, le premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni a rappelé que la Banque mondiale est un partenaire fiable. Ces financements ont contribué à atténuer les inégalités sociales en améliorant les conditions de vie de la population burundaise. Lors de cette revue annuelle, Véronique Kabongo, qui a représenté la Banque mondiale, a indiqué que le portefeuille de cette banque au Burundi est de plus de 795 millions de dollars américains sur 4 ans et demi. La Banque mondiale appuie 15 projets, dont 12 nationaux et 3 régionaux. Elle a en outre précisé que cette revue est envisagée pour améliorer la performance du portefeuille en étroite collaboration avec les unités de gestion des projets pour répondre aux défis de gestion financière, d'approvisionnement, de décaissement et d'absorption rencontrés par les projets pendant la mise en œuvre. Et elle est présente au Burundi depuis 1957. Mireille Kanyangi, la redistribution des livres qui avaient été mal attribués aux élèves, aux écoles plutôt, va permettre d'atténuer le problème de manque de matériel didactique qui s'observe dans certaines écoles. C'est la déclaration du ministre de l'Éducation ce mardi lors de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Gaspard Banyankimbona est revenu aussi sur les défis du manque de bancs pupitres, où il a parlé d'une distribution prochainement de plus de 200 000 pupitres dans toutes les écoles du pays pour faire face à ce problème. Et adduction d'eau au marché moderne de bétail de Viegua en commune Gashikanga de la province Ngozi par le projet de développement du petit élevage 6 ans après son ouverture. L'administration communale et les usagers de cette infrastructure saluent ce don qui va contribuer dans la lutte contre la COVID-19 et d'autres maladies démentielles. Selon ce projet DPEL en sigle, cette adduction d'eau d'une valeur d'environ 33 millions de francs burundais va appuyer l'administration communale au respect des normes sanitaires dans ce marché Apollinaire Muzagara. Ce marché moderne de bétail de Viegua a été construit vers 2014, mais n'avait pas d'eau jusqu'aujourd'hui, alors qu'il est en possession d'un abattoir. Il est également fréquenté par des foules de personnes issues de tous les coins du Burundi, certaines amenant des vaches, chèvres et moutons, et d'autres venaient s'en procurer. Tous s'accordent à dire que cette infrastructure publique avait tant besoin d'eau en vue de faire face aux maladies des mains sales et à la COVID-19. Ce mardi, la commune Gashikanoa a réceptionné cette eau, une addiction faite par le projet de développement du petit élevage. Jean-Vier Ngoribigawa, responsable du projet de Père Angouzi, indique que le coût de l'addiction est d'environ 28 millions de francs bout, les 5 millions restants étant destinés à l'achat des motopompes pour que tout le marché soit servi en l'administration et les commerçants de ce marché de Viegua. Salut Sodon, le responsable de ces commerçants, Jean Boscon, chez Milimahana Dinzovu, affirme que cette addiction est d'impérieuse nécessité dans la lutte contre les maladies sales et la COVID-19 dans ce marché très fréquenté où l'on faisait souvent des de Gashikanoa en province Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Radio Isanganiro, chronique santé. On entend par rapport sexuel précoce une fille ou un garçon qui fait l'amour avant l'âge de 15 ans. Le gynécologue Gilbert Nibitanga explique que pendant cette période, les organes génitaux ne sont pas encore matures et par conséquent, dans l'avenir, la fille pourrait attraper le cancer du col et le cancer du pénis chez le garçon. Ce gynécologue souligne qu'il n'y a pas d'âge idéal pour les rapports sexuels si ce n'est pas attendre le mariage. Ornella Mucho. Lorsqu'une fille ou un garçon fait des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, on parle de la précocité sexuelle. Le gynécologue Gilbert Nibitanga précise que cela peut entraîner des conséquences dans leur avenir suite à l'immaturité des organes génitaux. Quand une femme ou un homme commence à faire des rapports sexuels d'une manière précoce, il y a d'autres conséquences à long terme. Par exemple, une femme qui commence des rapports sexuels précoces, son corps utérin